12-19, activation orale, contre-ordre, impératif et négation. Donnez un contre-ordre selon l'exemple. Par exemple, vous entendez... 1. Lève-toi. Et vous dites... Non, ne te lève pas. Allons-y. 2. Repose-toi. 2. Non, ne te repose pas. 3. Regarde-moi. Non, ne me regarde pas. 4. Regardez-moi. Ne me regardez pas. 5. Reposez-vous. Ne vous reposez pas.